إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون إن لهذه الأمة سلفا هم أبر الناس قلوبا وأحسنهم إيمانا وأقلهم تكلفا سيرة كل عظيم منهم عظة وعبرة وفي اقتفاء أثرهم هداية وفي الحياد عن طريقتهم غواية وإننا اليوم بعد أن ذكرنا في جمعة قادمة أو ماضية سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سنتحدث اليوم عن سيرة أبي حفص الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنتحدث اليوم عن سيرته وفضائله لنستفيد منها دروس وعبر وأول هذه الفضائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر ثلاث رؤيا رآها صلى الله عليه وسلم في المنام كلها لعمر وكلها صحيحة ثابتة في صحيح الإمام البخاري أول هذه الرؤيا قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين يعني أن الدين يغطيه دينه يستره رضي الله تعالى عنه والرؤية الثانية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم هي ما رواها عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الرأي يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم وأما الرؤية الثالثة رواها أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر رضي الله عنه لما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم Chers musulmans et musulmanes, sachez que dans cette communauté il y a des pieux prédécesseurs, des personnes pieuses qui ont vécu avant nous, et ce sont des personnes qui avaient la foi la plus complète, ceux qui avaient le comportement le plus adéquat et le plus louable. Lorsque l'on cite et lorsque l'on se remémore leur biographie, ceci est un modèle pour nous que l'on doit suivre. Donc de les suivre est une guidée, et de se dévier de leur chemin et de ce qui les caractérisait est un égarement certain. Aujourd'hui, nous allons traiter de la biographie de la troisième personne de cette communauté musulmane, la meilleure après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu, qui est Omar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu. Et lors du dernier discours, on avait traité, on avait cité la biographie de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Nous allons donc traiter de façon brève la vie de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, afin d'en tirer des leçons et des morales. La première chose à citer le concernant radiyallahu anhu, ce sont trois hadiths ou trois visions en rêve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu et qui concernait Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et ces hadiths sont rapportés dans le Bukhari. La première vision nocturne qu'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celle qui est rapportée dans le Bukhari, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je dormais lorsque j'ai vu des gens ou des personnes qui m'ont été présentées, et ces personnes étaient habillées de qamis. Certains avaient des qamis au niveau de leur poitrine et d'autres en dessous. Puis Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu m'a été montré en ayant un qamis qui traînait en dessous de ses pieds. Ils ont dit, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment interprètes-tu cela? Il a répondu, la religion. C'est-à-dire que la religion recouvre Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Quant à la seconde vision, c'est rapportée par Abdullah ibn Omar qui dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsque je dormais, c'est-à-dire en rêve, j'ai vu qu'on m'apportait un récipient de lait, j'ai bu et j'ai donné le reste à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ils ont dit, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment interprètes-tu cela? Il a répondu, la science. Et la troisième vision est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque je dormais, je me suis vu au paradis, et une femme faisait ses ablutions à proximité d'un palais. J'ai dit, à qui appartient ce palais? Ils ont répondu, à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Puis ils ont cité les mérites de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, en l'occurrence sa volonté et sa motivation dans la religion. Il a pleuré radiyallahu anhu à l'écoute de ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yakhtubu Omar qailan lahu walladhi nafsi biyadi ma laqiyaka ash-shaytan salikan fajjan qat إلا سلك فج غير فجك. وسأل عمرو بن العاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الرجال إليه، فقال أبو بكر، قال ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال ابن سعد في طبقاته: إن أول من سمي بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وإنه أول من كتب التاريخ، كتبه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهو أول من جمع القرآن في المصحف، وهو أول من جمع الناس على قيام شهر رمضان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس، كما في سنن أو في كما في معجم الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا أي اتبعوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. والحديث صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن يعز به الإسلام، فاستجاب الله دعاءه. وفي قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الحاقة وهو قائم يصلي عند الكعبة، فقال في نفسه: هذا شاعر. فسمع قوله تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقال عمر في نفسه: إذن هو كاهن. فسمع قوله تعالى: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فشرح الله صدره للإسلام وكذلك أيضا أنه دخل على أخته فاطمة وزوجها وعندهما خباب يعلمهم القرآن فاستمع إلى الآيات من سورة طه فانشرح صدره للإسلام رضي الله عنه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait souvent à Omar ibn al-Khattab en lui disant: je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, le diable ne prend le même chemin que toi, ou lorsque le diable te voit prendre un chemin, il prend un chemin différent du tien. Et Amr ibn al-As radiallahu anhu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: quel est ou quels sont les hommes que tu aimes le plus? Il a répondu Abu Bakr, puis il a dit, et ensuite il a répondu, puis Omar ibn al-Khattabi radiallahu ta'ala anhu. Et selon Jabir, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Abu Bakr et Omar sont pour cette religion comme l'ouïe et la vue pour la tête. Hadith jugé bon par Cheikh al-Albani. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: suivez ceux, les deux qui viendront après moi, Abu Bakr et Omar radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah azza wa jal souvent pour qu'Allah azza wa jal donne la puissance à l'islam à travers et par l'intermédiaire de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et Allah azza wa jal a exaucé son invocation. Et dans l'histoire de sa conversion, la conversion de Omar ibn al-Khattab, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier à proximité de la Kaaba. Et le prophète alayhi salatu wa salam lisait surat al-Haqqa. Et lorsque Omar radiallahu anhu, qui n'était pas musulman à l'époque, a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: c'est un poète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu dans surat al-Haqqa: wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun. Et ce n'est pas la parole d'un poète, très peu d'entre vous croient. Et Omar a dit dans son intérieur: donc, c'est un kahin, c'est un voyant. Et il a entendu ensuite la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans surat al-Haqqa, et ce n'est pas non plus la parole d'un voyant. Très peu d'entre vous se rappellent, c'est la descente, ou c'est un livre qui est descendu du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Et ceci a ouvert le cœur de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu à l'islam. Et également, lorsqu'il est rentré chez sa sœur Fatima, en présence de son mari qui recevait l'enseignement de Khabbab radiallahu anhu, qui l'a enseigné le Coran, et Omar ibn al-Khattab est rentré et a écouté les versets de surat Taha, et c'est ceci qui a fait en sorte qu'il se convertisse à l'islam radiallahu anhu. Wa sammahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Faruq ay alladhi yufarriqu bayna al-haqq wal-batil wa kana radiallahu anhu شديد الخوف من الله تعالى حتى حفرت الدموع خطين أسودين في وجهه من كثرة البكاء. وعن بريدة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ليفر منك يا عمر, إن الشيطان ليفر منك يا عمر. الخوف صلى الله عليه وسلم لا بل الفاروق celui qui discerne, c'est-à-dire qui fait la séparation entre la vérité et le mensonge, celui qui fait la différence entre le vrai et le faux, celui qui fait la différence entre l'unicité d'Allah Azzawajal et le polythéisme. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu était une personne qui craignait beaucoup Allah Azzawajal, au point que deux traits noirs étaient visibles sur son visage, deux traits qui sont les traces de ses nombreuses larmes رضي الله تعالى عنه. ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل بثلاثة عشرة سنة, وتوفي وله 63 سنة في مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر, وكان يجيد الكتابة بكلتا يديه رضي الله عنه, وكان في الجاهلية سفير قريش لذا لدى القبائل إذا وقع بينهم حرب أو مفاخرة. وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وهاجر رضي الله عنه وشهد بدرا وبيعة الرضوان والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي وهو صلى الله عليه وسلم راض عنه. ثم كان قاضيا لأبي بكر ووزيرا له مدة خلافته إلى أن حضرت أبا بكر الوفاة فاستخلفه من بعده، أي أبو بكر هو الذي استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكلمه بعض الناس في شدة عمر وقالوا له: ماذا تقول لربك إذا سألك من استخلفت عليهم؟ قال: أقول قد استخلفت عليهم خير خلقك. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, est né 13 ans après l'année de l'éléphant. Et il est mort à l'âge de 63 ans, le même âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu. Et il écrivait parfaitement de ses deux mains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour montrer ses mérites, s'il y avait un prophète après moi, ce serait Omar ibn al-Khattab. Il a émigré de la Mecque à Médine. Il a participé à toutes les batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment celle de Badr. Et il est mort, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant satisfait de lui, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé en étant satisfait de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et il était à l'époque de la gouvernance de Abu Bakr radiallahu anhu. Il était juge mais aussi un de ses ministres, jusqu'à ce que la mort approchait et que Abu Bakr radiallahu anhu était sur son lit de mort. Il a donc désigné comme successeur dans la gouvernance des musulmans Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et certaines personnes sont venues à Abu Bakr pour se plaindre de la dureté de Omar radiallahu anhu et lui ont dit: que diras-tu à ton seigneur s'il te dit qui as-tu laissé derrière toi, c'est-à-dire comme gouverneur pour les musulmans? Et Abu Bakr radiallahu anhu a répondu: je répondrai que je leur ai laissé la meilleure des créatures. وكان في مدة خلافته من أشد الناس زهدا وتواضعا في لباسه وطعامه ومركبه، يلبس الخشن من الثياب ويأكل الخشن من الطعام، وفتح الله له الفتوح العظيمة في مشارق الأرض ومغاربها. ولما حدثت مجاعة في عهده أخذ على نفسه أن لا يأكل إلا ما يأكله فقراء المسلمين، فكان يأكل الخبز اليابس بالزيت. ولما ذهب إلى الشام ليستلم مفاتيح بيت المقدس ذهب وثوبه مرقع، أي ومعه حمار يتناوب ركوبه هو وغلامه، وجاء عليه الدور ليمشي عند الوصول، أي عند الوصول في الشام، فأصر رضي الله عنه أن لا يدخل على وجهاء الشام، أي على رؤساء الشام، إلا ماشيا وغلامه أي خادمه راكبا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه faisait partie durant son califat, durant sa gouvernance des musulmans. Il faisait partie des gens qui étaient les plus modestes dans leurs vêtements, dans leur nourriture, dans leurs moyens de locomotion. Il s'habillait de la façon la plus modeste et mangeait les aliments les plus modestes également. Et Allah Azza wa Jal a donné la victoire à Omar, ou a donné la victoire aux musulmans par l'intermédiaire de Omar, qui a conquis beaucoup de pays, radiallahu ta'ala anhu, au point que certains disent que les villes qui ont été conquises pendant le calife de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, s'élèvent à plus de 1000 villes. Et lorsque une famine a atteint les musulmans durant sa gouvernance, il a pris l'engagement de ne manger que ce que mangent les pauvres parmi les musulmans. Il ne mangeait que du pain sec qu'il mélangeait avec de l'huile, radiallahu anhu. Et lorsqu'il il s'est dirigé dans la région du Shem, après l'avoir conquise, pour se faire remettre les clés de la mosquée de Jérusalem, il est arrivé dans la région du Shem avec des vêtements troués, et il marchait, radiallahu ta'ala anhu, et guidait la monture dans laquelle était assis, ou sur laquelle était assis la personne qui était à son service. La personne qui était à son service, car Omar al-Khattab radiallahu anhu, avec ce servant qui était à son service, montait sur la monture à tour de rôle. Et lorsqu'il s'apprêtait à arriver à destination, c'était le tour de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, et il a refusé de monter sur le cheval ou sur l'âne, et a persisté pour rentrer dans la région du Chem en marchant et en guidant la monture qui portait son servant radiallahu ta'ala anhu. Ayyuha al-Muslimun, إذا أردنا أن نتحدث عن سيرة عمر بن الخطاب فعن ماذا نتحدث؟ أنا أتحدث عن دينه وعلمه، أنا أتحدث عن زهده وورعه وتقواه، أو عن حكمه وسياسته وعدله، أو عن شجاعته وقوته وجهاده، أم عن محافظته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها والتأديب وتأديب كل من حاول الإحداث في الدين، أم عن سهره ومراقبته لكل ما يحدث في البلاد ومتابعته بنفسه لكل صغيرة وكبيرة؟ ولقد كان إسلامه رضي الله عنه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة، كما قال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي ونطوف بالبيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتلناهم، يعني المشركين، حتى تركونا نصلي، أي كفار قريش. والقتال هنا المضاربة وليس الجهاد، لأنه لم يؤذن الجهاد في مكة وهي بلد حرام. ولقد أعلن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إسلامه وهجر به، وازداد المسلمون عزة وقوة بإسلامه رضي الله عنه. Lorsque l'on parle de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, le discours ne s'arrête pas. Nous pouvons parler de sa religion, de sa science, comme nous pouvons parler de sa modestie, de sa piété. Nous pouvons aussi parler de sa gouvernance des musulmans, de sa politique, de sa justice, de sa force également, sa force physique et sa force dans le combat. Mais on peut aussi parler de l'attachement qu'il avait à préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la mettre en pratique et à réprimander ceux qui innovent dans cette religion. On peut aussi parler de sa crainte d'Allah azza wa jal, des nuits qu'il passait à prier radiallahu anhu, et également le fait de prendre les choses des musulmans ou les problèmes des musulmans, de les prendre en main personnellement, même si c'était des choses bien précises ou qui concernaient des personnes en particulier, il prenait en charge cela, radiallahu anhu. Sa conversion était donc une victoire pour les musulmans. Son émigration de la Mecque à Médine était une ouverture, et sa gouvernance était une miséricorde. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit: vous pouviez nous voir où on pouvait nous voir, c'est-à-dire à la Mecque, nous ne pouvions ni prier, ni faire le tawaf autour de la Kaaba, jusqu'à ce que Omar se soit converti. Et lorsqu'il s'est converti, nous les avons alors combattus jusqu'à ce qu'il nous ait autorisé, ou jusqu'à ce qu'il nous ait laissé prier. Nous les avons combattus, c'est-à-dire les polythéistes de Quraysh. Et combattre ici, ce n'est pas le fait de tuer et de combattre avec les armes, car ceci n'était pas autorisé à l'époque, la Mecque étant une ville sacrée dans laquelle il n'est interdit de combattre. C'est donc après la conversion de Omar radiallahu anhu qui, lorsqu'il s'est converti, a proclamé son islam devant les polythéistes de Quraysh qui avaient peur de lui, car il était connu pour être quelqu'un de vaillant, pour être quelqu'un de fort physiquement, et les musulmans ont alors accru en puissance et en force, et Allah Azza wa Jal a renforcé l'islam à travers la conversion de ce grand homme Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه: كان في من خلا قبلكم من الأمة ناس محدثون أي ملهمون، فإن يكن في أمة أحد فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والمحدث هو الملهم، وهي منزلة جليلة من منازل الأولياء. وقد قيل عنه رضي الله عنه: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال عمر إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر. وقد وافق القرآن قول عمر رضي الله عنه في عدة مواقف، منها ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يحجب زوجاته أمهات المؤمنين، فنزل الأمر بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف بالكعبة في العمرة: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a fait en sorte que la vérité soit dans la langue et dans le cœur de Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: il y avait avant vous dans les communautés qui vous ont précédé des personnes qui étaient muhdathoun, c'est-à-dire qui recevaient des informations de l'invisible. Et si ces personnes existent dans ma communauté, alors ce sera Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et le fait de recevoir des informations de l'invisible fait partie des bienfaits et des mérites des saints, et c'est un degré dans, qui est donné, ou un haut niveau, un degré haut chez les saints, ceux qui se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, lorsqu'il parlait, le Coran venait souvent appuyer et rendre véridique ce qu'il disait radhiyallahu anhu. À titre d'exemple, lorsqu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: si tu ordonnais à tes femmes, les mères des croyants, de se voiler, le verset du voile est alors descendu: ô toi le prophète, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles un long voile. Et lorsque Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le tawaf autour de la Kaaba durant une umrah, Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu a dit: ô envoyé d'Allah, si tu prenais le maqam d'Ibrahim comme un lieu de prière, et Allah Azza wa Jalla a révélé: et prenez le maqam d'Ibrahim comme un lieu de prière. وبينما هو يمشي في ليلة من الليالي إذ امرأة في جوف دار لها حولها صبيان يبكون وإذا قدر على النار قد ملأته ماء فدنا عمر من الباب فقال: يا أمت الله، ما بكاء هؤلاء الصبيان؟ قالت: بكاؤهم من الجوع. قال: فما هذا القدر الذي على النار؟ قالت: قد جعلت فيه ماء هو ذا أعللهم به حتى يناموا وأوهمهم أن فيه شيئا. فبكى عمر ثم جاء إلى دار الصدقة وأخذ غرارة وجعل فيها شيئا من دقيقا وشحما وسمنا وتمرا وثيابا ودراهم حتى ملأ الغرارة، ثم قال لمولاه: يا أسلم احمل علي. فقال: يا أمير المؤمنين، أنا أحمله عنك. قال: لا يا أم، يا أم لك، يا أسلم أنا أحمله، لأني أنا المسؤول عنهم في الآخرة. فحمله حتى إذا أتى به منزل المرأة فأخذ القدر فجعل فيه دقيقا وشيئا من شحم وتمر وجعل يحركه بيده وينفخ تحت القدر قال أسلم فرأيت الدخان يخرج من خلال لحيته رضي الله عنه حتى طبخ لهم ثم جعل يغفر بيده ويطعمهم حتى شبعوا Et Omar al-Khattab radiallahu anhu marchait la nuit dans les rues de Médine pour se rapprocher de son peuple ou des musulmans qu'il avait sous sa responsabilité. Il est passé à proximité d'une maison dans laquelle il a entendu les pleurs d'enfants. Il a alors frappé à la porte et a demandé à la mère de ses enfants ce qui les faisait pleurer. Elle a répondu, ils pleurent de faim. Et Omar ibn Khattab avait vu une marmite qui était sur un feu. Et il lui a dit, quelle est cette marmite ou que contient cette marmite? Et la mère des enfants a répondu, c'est une marmite que j'ai remplie d'eau et que je fais bouillir afin de les faire endormir. Et ils croient ou ils pensent, c'est-à-dire les enfants, qu'il y a dans cette marmite de quoi manger. Et Omar ibn Khattab a pleuré et est parti dans l'endroit où sont stockés les aumônes des musulmans. Et il a pris de la farine, de la viande, de la graisse, des dattes, des vêtements et de l'argent, jusqu'à avoir rempli un grand sac. Il a demandé à son servant de le prendre et de le poser sur son dos. Et le servant a dit, tu es le gouverneur des musulmans, comment poser ce sac ou comment le mettre sur ton dos? Il a répondu, c'est moi qui le porterai, car c'est moi qui serai responsable d'eux le jour du jugement, c'est-à-dire des musulmans qu'il a sous sa gouvernance. Il a alors porté le sac jusqu'à l'emmener dans la maison. Il a ensuite mis dans la marmite de quoi faire à manger. Il retournait ou il remuait la nourriture de ses propres mains radiallahu anhu, et il soufflait pour attiser le feu au point que son servant a dit, je voyais la fumée traverser sa barbe radiallahu ta'ala anhu. Et lorsque la nourriture était prête, il leur a donné à manger de lui-même radiallahu anhu. Ayyuha al-muslimun wa min al-mawaqif al-azima fi sirati Umar annahu hinama arsala isra mustasharihi al-harmazan ila al-madina yuridu Umar لابسا تاجا من ذهب وعليه الحرير يدخل المدينة فيقول أين قصر الخليفة قالوا ليس له قصر قالوا أين بيته فذهبوا فرأوه بيتا من طين وقالوا له هذا بيت الخليفة قال أين حراسه قالوا ليس له حراس فطرق الهرمزان الباب فخرج ابنه فقال له أين الخليفة فقال التمسوه في المسجد أو في ضاحية من ضواحي المدينة فذهبوا إلى المسجد فما وجدوه فبحثوا عنه فوجدوه نائما تحت شجرة وقد وضع درته بجانبه وعليه ثوبه المرقع وقد تسود ذراعه في أنعم نومة عرفها زعيم وكأني بالهرمزان يتساءل في نفسه أهذا عمر؟ أهذا الذي فتح الدنيا هذا الذي دوخ الملوك وهذا الذي داس جماميم الخونة ينام تحت شجرة فانهد الهرمزان وقيل إنه كان سبب إسلامه وقال حكمت فعدلت فأمنت فنم يا عمر سشي qu'il y a dans la vie de Omar رضي الله عنه beaucoup d'humilité, d'humilité, de modestie. Il est rapporté que lorsque Kisra, un des rois perses ou de Rome, a envoyé un de ses conseillers, Al-Harmazan, il l'a envoyé à Médine pour aller rencontrer Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu et avoir un entretien avec lui. Et cet émissaire s'attendait à voir le gouverneur des musulmans portant une couronne, portant des vêtements de soie. Il est entré à Médine et a demandé à voir le palais du gouverneur. Ils ont répondu, il n'a pas de palais. Il a dit, où est alors sa maison? Ils sont partis lui montrer sa maison, qui était une maison construite en terre cuite. Ils ont dit, ceci est la maison du gouverneur. Il a répondu, où sont ses gardes? Ils ont répondu, il n'a pas de garde. Il a alors frappé à la porte, c'est-à-dire l'émissaire. Et son fils est sorti. Il a demandé, où est le gouverneur? Il a répondu, allez à la mosquée, peut-être que vous le trouverez là-bas. Ou alors, faites le tour des rues de Médine et vous le trouverez peut-être. Ils sont partis à la mosquée, ils ne l'ont pas trouvé. Et ils l'ont cherché dans les rues de Médine jusqu'à arriver à un arbre dans lequel ils ont vu Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu allongé avec sa sacoche à sa proximité, allongé au pied de cet arbre, qui avait pris comme oreiller son avant-bras radiallahu ta'ala anhu, et il dormait paisiblement. Et Al-Harmazan était étonné, était choqué de voir un gouverneur de la stature de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui a conquis les villes de l'Est et de l'Ouest, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 1000 villes, celui qui fait trembler les rois et les empereurs des autres pays, et de le voir allongé en train de dormir paisiblement sous un arbre en prenant son avant-bras comme un oreiller. Et a dit, c'est-à-dire Al-Harmazan, tu as jugé en étant juste et tu as sécurisé ton pays, tu peux maintenant dormir en paix, ô Omar. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقتدون بسلفهم الصالح ولا من الذين ينحدرون عنهم ويخالفونهم فيما كانوا عليه من أمر هذه الدنيا من زهد وتقوى وورع. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يتشبهون بالكرام إن لم يكونوا مثلهم لأن التشبه بالكرام فلاح. واقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا تراص أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى